LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. J'étais partie pour me suicider quand j'ai rencontré le crack, en fait. Et puis, il faut dire que le crack m'a sauvé la vie parce que ce jour-là, je suis pas passée à l'acte. Parce que j'ai rencontré le produit et puis c'est à la suite d'une déception amoureuse qui m'avait vraiment mis dans une dépression énorme, quoi. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire où je suis ivoirienne. J'ai connu le crack là-bas, malheureusement, et c'est vrai que d'un autre côté, je remercie pas le crack, mais en même temps, ce jour-là, je suis pas passée à l'acte parce que j'avais vraiment pris la voiture pour aller en finir et tout, parce que je venais de fermer mes deux restaurants, suite à laquelle j'avais confié à un cousin au pays qui avait mal géré mon affaire. J'avais perdu beaucoup d'argent. Je partais pas me suicider pour l'argent, je partais me suicider parce que j'avais honte de la famille, parce que la famille m'avait prévenu comme quoi fallait pas que je confie à ce cousin très éloigné avec lequel je suis tombée amoureuse. Plus tard, je suis tombée enceinte de lui, j'ai un enfant de lui. Donc j'ai pris la voiture pour aller en finir, et sur le chemin, je me rappelle que je faisais ce chemin-là tous les jours sur la côte où il y avait les restaurants. Et je me suis arrêtée parce que les enfants, ils étaient hyper euphoriques, ils avaient 9 ans, 9-10 ans, et je leur ai demandé pourquoi ils étaient si euphoriques, que moi j'étais tellement malheureuse et envie de mourir, quoi. Du coup, j'ai fumé avec eux, et puis ce jour-là, je me suis pas suicidée. Après, je suis rentrée en France, et quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai arrêté le crack tout de suite, de toute seule, sans médicaments, sans rien. Par contre, parce que c'était une vie qui était en moi, et puis j'avais l'impression que déjà j'ai réussi à sauver ma vie, pourquoi pas sauver quelque chose qui est dans mon ventre, quoi. Au bout d'un an, j'ai fait un gros baby blues et j'ai rechuté, quoi. Voilà. Ça fait partie de ma vie maintenant, la toxicomanie. C'est dommage à dire parce que je le refoule plus. Je le refoule plus, je suis plus dans le déni. Je suis une toxicomane, c'est vrai, mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus la même consommation, c'est plus la même façon de consommer, et c'est surtout essayer de me reconstruire, quoi. Je vais avoir 49 ans, et puis j'ai connu la consommation il y a 10 ans. Les processus de l'addiction, Doria Zénine, Lydia Benitzrak. C'est quelque chose que j'avais pas prévu. J'ai quand même 3 enfants qui sont magnifiques, qui travaillent bien à l'école. C'est cette chance-là qui me donne la force de continuer. Vous avez vécu dehors parce que pour... J'ai vécu 2 ans dehors. J'ai vécu 2 ans dehors dans le métro. C'était des moments difficiles. J'ai été agressée plusieurs fois. Dieu merci, ça n'a pas été plus loin que ça. Mais une femme qui vit dehors, toxicomane, c'est très difficile. Malheureusement, quand on est toxicomane, on s'en rend pas compte, mais on développe plus tard des torques, des phobies, des choses comme ça, ce qui m'est arrivé malheureusement quelques années plus tard. Et là, j'ai attrapé certains tics et phobies. Genre me laver les mains 10 fois, avoir l'impression d'avoir des bêtes sur soi alors qu'il n'y a pas de bêtes et tout ça. Et je prends un traitement psychiatrique pour ça qui est pas très lourd, qui marche très bien. Quand je vivais à Paris il y a 2 ans, je ne pouvais pas rester un jour sans consommer. Aujourd'hui, je reste 15 jours, 3 semaines sans consommer. Voilà. Souvent, le fait de consommer, l'addiction, ça paraît d'abord pour les gens qui consomment comme une solution. Et que pour eux, quand ils disent que ça leur a sauvé la vie, ça leur a vraiment sauvé la vie, quoi. C'est la seule solution qu'ils ont trouvée. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais en tout cas, à un moment donné, ils sont plusieurs à dire ça. J'ai un client qui me dit, moi, si jeune, j'avais pas trouvé ça, je me serais déjà foutu en l'air, quoi. Parce que il a des problèmes un peu psychologiques, quoi, de troubles de la personnalité, ou un petit peu plus, qui font que dans ses relations aux autres et tout, il y avait quelque chose de très douloureux, quoi, et qu'il a trouvé ça comme compromis avec la vie. Après, il se trouve coincé avec cette solution qui au début est un peu magique, elle devient de plus en plus contraignante, elle devient de moins en moins efficace, et c'est là que arrivent vraiment les problématiques addictives, et que là ils ont besoin d'aide. Mais au départ, c'est pour ça que les gens, ils ont du mal à décrocher, quoi. C'est parce que c'est aussi une solution, quoi. Et ça, il faut bien l'entendre et bien le comprendre. Un autre client qui parle de légitime défense. Lui, voilà, légitime défense pour lui, c'est le fait que la vie est tellement dure, pour lui c'est tellement sensible qu'il a une légitimité à prendre des produits, que passer à vivre sans, c'est très compliqué. C'est pas grave, ce sont des actes, ouais. Je crois que c'est déjà fait dans tous les cas. Ouais. Mais là, c'est bon, là, tu as tout ce que tu voulais Ouais, c'est bon, on retourne sur nos pattes. Moi, je m'appelle Youssef, Youssef Medaoui, moi je suis éducateur dans le service, éducateur spécialisé. Voilà. Vous êtes plusieurs éducateurs ? Plusieurs, oui, on a encore une personne, il y a aussi le service social, où là, ce sont des assistantes sociales. Pierre qui est accueillant, donc personnes qui prennent rendez-vous ou pas, ils se présentent de manière ici spontanée, ils sont reçus par les accueillants, faire un travail d'évaluation, d'essayer de comprendre un peu la demande. Mais l'accueillant propose le café aussi, là, ce que vous venez de voir, sur des moments comme ça un peu particuliers, pour partir un peu de l'ambiance. Vous parliez d'ambiance, je pense que c'est essentiel. Marmottan a été construit autour d'un accueil en fait. Suffisamment chaleureux pour permettre aux personnes qui se présentent ici, en tous les cas, d'être reçues d'une manière un peu plus tranquille. Quoi. Parce que parler, c'est pas simple. Quoi. Parler de soi, parler de ses difficultés, parler de sa problématique, c'est pas forcément simple. Donc un café, c'est aussi ça, remettre du social dans cet espace qui est particulier, qui est ça reste un hôpital, mais c'est de remettre un peu de vie. Et c'est pas non plus le système un peu médical et froid de prendre un rendez-vous avec un médecin tout de suite d'emblée. C'est ça, absolument, mais carrément ça, ouais, carrément. C'est vraiment cette étape qui est essentielle en tous les cas pour nous, c'est d'essayer à un moment donné de rendre, un accueil suffisamment humain, avec cette bienveillance, cette écoute particulière, cet accueil inconditionnel qui a été beaucoup pensé, travaillé par le professeur Liebenstein, Marc Valeur, et aujourd'hui Mario Blaise, chef de service. Mais c'est vraiment cette écoute, oui, carrément, oui. Voilà. Il y a le chef de service, Mario Blaise, qui vient de... Bonjour. Non, vous venez d'arriver ? Je viens d'arriver, okay. Encore. Ok, vous voulez poser vos affaires ou... Non. On va faire ça, on va peut-être. On a appris que vous étiez au deuxième étage. Oui, c'est mon bureau au deuxième, mais là j'étais au troisième dans la bibliothèque avec un client, un patient à qui je vais donner un rendez-vous. D'accord, voilà. Très bien. Marmottan, sa particularité de proposer différents services pour les gens qui ont des problèmes d'addiction. Et donc il y a une consultation, un accueil consultation ambulatoire, mais il y a aussi une unité d'hospitalisation. Les gens peuvent être hospitalisés pour faire des sevrages, prendre de la distance par rapport à leur consommation, aux addictions. On a 12 lits, donc on a une unité d'hospitalisation pour ça. Et on a aussi une autre unité clinique, qui est une unité de médecine générale, où c'est des consultations, là, beaucoup plus tournées vers le somatique. Donc c'est les médecins généralistes qui permettent des consultations sans rendez-vous pour cette population spécifique qui souvent ont beaucoup de mal à aller vers des généralistes, s'occuper d'eux au niveau des soins. Donc s'il y a plus de 2-3 démarches à faire, prendre rendez-vous, en général ils ont du mal. Donc là, ils savent qu'ils peuvent venir sur les horaires d'ouverture et rencontrer un médecin selon l'attente, mais c'est assez rapide. Quoi. En ce moment, on a beaucoup de gens qui viennent pour le crack, parce que le crack dans Paris est beaucoup consommé chez les usagers de drogues illicites. Quoi. C'est... Même les anciens usagers d'opiacés se sont tournés vers le crack depuis quelque temps. Donc dans tout le réseau Paris Nord, là, il y a beaucoup d'usages de crack. Et donc des personnes qui se retrouvent vraiment dans une problématique à plus pouvoir se passer de consommer dans ces séquences assez particulières de crack qu'on consomme pendant plusieurs jours jusqu'à épuisement, on se repose une journée ou deux, le temps de se refaire et on continue à reconsommer. C'est presque donc, pire que l'héroïne alors. On ne peut pas comparer, on peut avoir des usages aussi très dramatiques d'héroïne. Donc, moi je trouve que ces comparaisons-là, dire qu'un produit est plus fort que l'autre, c'est plus les usages qu'on peut en faire qui peuvent être à un moment plus grave, plus intense. C'est variable, c'est pas forcément que le produit qui définit la gravité d'un usage et d'une consommation. comme il y a des usages très graves d'alcool. Là, il y a des gens qui sont hospitalisés pour des problèmes d'alcool, qui par ailleurs étaient usagés d'autres substances avant, puis que maintenant c'est l'alcool qui devient problématique. Ils sont dans des dépendances sévères et très graves, hein. Ça fait presque 50 ans que Marmottan est ouvert, enfin ça fera 50 ans en 2021. Dans toutes ces années, on a vu vraiment le paysage des addictions évoluer. C'était initialement un centre qui était ouvert pour les usagers d'héroïne. Et puis, petit à petit, ça s'est diversifié. Des usagers de benzodiazépines, barbituriques, d'alcool, et ensuite après de cocaïne, de crack, de cannabis... Les usagers de cannabis initialement venaient pas dans des centres pour toxicomanes et puis on s'est aperçu qu'il y avait des usages très durs de cannabis et donc un certain nombre de gens qui avaient des problèmes liés à leur usage de cannabis et qui pouvaient avoir besoin d'aide à un moment et qui étaient tellement crispés dans leur consommation qu'ils savent plus comment s'en sortir, quoi. Et on a vu aussi donc d'autres gens venir pour des problématiques de d'autres addictions, des addictions sans substance. C'est-à-dire qu'on initialement, et ça c'est sous l'impulsion de Marc Valeur qui était le chef de service précédent, lui s'est beaucoup intéressé aux jeux d'argent, aux jeux d'hasard et d'argent. Et donc les joueurs problématiques, les gamblers, comme on dit, sont venus à partir des années 2000. Consulter d'abord, et puis en, de temps en temps, on peut en hospitaliser aussi, qui sont pris dans des usages très excessifs et des comportements excessifs, hein, qui peuvent entraîner des vraies dépressions, des tentatives de suicide, voire des suicides, des surendettements, enfin. Il y a des parentés, forcément, avec les usages de substances, hein. Du fait de continuer un comportement qu'on sait néfaste et de malgré tout ne pas arriver à arrêter, hein, donc malgré les conséquences à plein de niveaux. Donc on a vu des addictions sans substance avec les joueurs arriver. Ensuite on a vu des jeunes venir qui avaient entendu dire qu'il y avait des joueurs qui étaient suivis et c'était eux des jeunes qui jouaient à des jeux vidéo. Et puis aussi, avec le développement d'Internet, des nouvelles technologies, des gens qui sont petit à petit accrochés au cybersex. En fait, une problématique de cyberaddiction qui passait des heures à regarder la pornographie, qui se mettait en danger, en risque physique, relationnel, à consommer la pornographie, qui aussi ont eu... besoin, envie de venir consulter, d'être écouté pour ça. Voilà. Donc voilà, ça fait que maintenant il y a un public assez hétérogène. Ici c'est un établissement public, c'est gratuit, c'est anonyme et c'est volontaire. Rappelons quand même qu'officiellement, il y a toujours une extraordinaire prudence à ne pas élargir le spectre des addictions comportementales. William Lovenstein. Parce que beaucoup de sujets pourraient dire, mais là, vous parlez de quoi? De passion, j'ai le droit d'être passionné. Non, il faut qu'il y ait des souffrances et des conséquences négatives et la poursuite de ce comportement malgré les conséquences négatives pour qu'on puisse faire rentrer ces addictions comportementales. Et à l'heure actuelle, il n'y en a qu'une historiquement reconnue qui est celle du jeu pathologique et une deuxième qui vient d'être reconnue, j'ai envie de dire enfin, par l'OMS en 2018, qui est le trouble de l'usage ou des abus des écrans, ce que certains appellent la cyberdépendance. La bigorexie, pour l'addiction au sport intensif, les achats compulsifs, etc., ce qu'on entend à droite à gauche, et les plus fréquentes qui sont les addictions alimentaires. Et on le voit bien à travers les appels de SOS addiction, hein. C'est pas l'alcool, c'est pas le tabac, c'est pas le cannabis, ce sont pas les médicaments, c'est pas l'héroïne, c'est pas la cocaïne, qui est le premier motif d'appel pour notre association, ce sont les addictions alimentaires, les troubles alimentaires. Tout ça n'est pas officiellement reconnu. Ça demande un certain nombre de travaux, ils sont en cours, il y a des grandes discussions. Vous pensez bien que si on reconnaît l'addiction alimentaire, on va dire, le lobby agroalimentaire ne va pas nous aider à cette reconnaissance. Déjà, on a assez de soucis, si j'ose dire, avec l'alcool et le vin en France pour pouvoir dire, mais attendez, attention, c'est pas, le vin est une drogue. Hein, c'est, l'alcool est une drogue. Alors, vous avez intitulé votre livre « Tous addicts », William Lovenstein, mais est-ce que, du coup, vous êtes immunisé contre les addictions ? Pas du tout. J'aimerais bien. Non, il y a au moins, en tout cas, deux addictions que j'ai, on va dire, intimement, personnellement connues. Sans réaliser la première, c'était vraiment l'addiction à l'exercice sportif. Alors, je viens d'une famille sportive. Papa était champion d'Europe, finaliste olympique en aviron, etc. J'ai été élevé à l'Institut National des Sports. Donc, c'est pas des questions qu'on se posait, surtout à l'époque et dans ce milieu-là. Mais je me souviens très bien, même pendant que j'étais chef de clinique, si j'avais pas mes 3 heures ou 4 heures de squash à l'époque, je dormais pas bien, j'étais de mauvaise humeur, je fonctionnais pas bien. Et puis après, oui, il y a une addiction dont on se rend compte un peu en distance aussi en vieillissant, qui a sa part d'agitation, qui a sa part de neuro-excitation, hein. C'est l'addiction au travail. Et donc c'est vrai que la deuxième addiction, mais encore une fois avec ses fonctions positives, celle qu'on appelle le workaholisme, l'addiction au travail, ouais. J'avais pas réalisé que ça existait et que de découvrir à 60 ans, par exemple, que les week-ends existent, oui, c'est un truc tout nouveau pour moi. Marmottan était une des premières institutions, avec certaines institutions de l'antipsychiatrie, à mettre déjà à ne pas appeler le patient patient. Michel Hautefeuille. Alors nous on l'appelle client, ce qui est un peu maladroit parfois, mais en tout cas c'est le sortir de son statut comme ça de passivité et de soumission, comme ça peut être entendu par la place qu'ont les patients en psychiatrie par exemple. Donc la conception du soin telle qu'elle arrive dans les années 70, c'est d'abord une rencontre. C'est une rencontre entre des gens qui sont marginaux, contestataires. Là aussi, dans les années 70, être toxico, c'est un acte politique, c'est un refus de société, c'est un rejet de l'organisation familiale, c'est un rejet de tout, de la notion de plaisir, de toutes ces choses-là. Donc c'est quelqu'un comme ça qui est en bagarre avec un système social et la rencontre de quelqu'un qui est l'émanation de ce système social, à savoir celui qu'on appelle le soignant. Et c'est la rencontre de ces deux savoirs où en gros, le toxico, moi tout ce que je sais de l'addiction, c'est essentiellement les toxicos qui me l'ont appris. Parce que je n'avais pas de vécu personnel ou de choses comme ça. Donc le toxico, il apprenait aux soignants ou ceux qui essayaient de l'être tout un savoir qu'il n'avait pas. Et puis, le soignant, lui, ce qu'il pouvait apporter au toxico, c'était comment on peut faire avec un système, comment on peut rentrer dedans, comment le fait d'avoir des devoirs s'intègre aussi le fait d'avoir des droits. Un certain nombre de choses comme ça. Donc ça, c'était le premier niveau, une rencontre d'égal à égal. C'est probablement le prototype de la rencontre qu'on va vivre plus tard au moment du sida, où le statut des malades a véritablement changé et où on se mettait à parler d'usagers de santé, par exemple. Bon, je pense que le préalable de ces situations-là, on les retrouve dans les années 70, au moment de la prise en charge des toxico. Et puis après, c'est l'absence de jugement, l'absence de choses comme ça, qui font que on prend les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens en souffrance, point barre. On n'a pas à les prendre pour des délinquants, pour des... Il n'y a pas de jugement ici. C'est souvent dit par nos patients. C'est quelque chose qui s'apprécie beaucoup, le fait qu'il n'y ait pas de jugement. C'est vrai qu'avant, les problématiques addictives étaient séparées les unes des autres. C'est, on pensait l'alcool d'un côté, on pensait les drogues illicites, toxicomanie d'un autre, les problèmes de conduite et de troubles de l'impulsivité d'un autre, et que depuis les années 2000 est apparu Mario Blaise. Des points communs dans la clinique de ces problématiques, dans les manières de traiter ces problématiques, et qu'on a développé l'addictologie, enfin ce qu'on appelle la notion et le concept d'addiction, qui fait que beaucoup de conduite et d'usage de produits ont des points communs. Et le point commun est avant tout la souffrance subjective que la personne ressent à avoir une conduite dont elle n'arrive plus à se passer, et le fait qu'elle centre sa vie sur cette conduite-là, et que malgré tous ses efforts, elle ne parvienne pas à arrêter alors qu'elle a des conséquences dramatiques au niveau de sa santé, au niveau psychologique, au niveau de ses relations. Ça fait des tas de dégâts avec son entourage, elle a des problématiques relationnelles et professionnelles, voilà. Et que elle se retrouve envahie par cette conduite-là sans pouvoir arrêter. Où à chaque fois, il y a au moins plusieurs dimensions, au moins trois dimensions qui sont de l'ordre du biologique, de l'ordre du psychologique, et mais aussi de l'ordre d'un contexte et d'un environnement. On ne pouvait pas avoir de cyberaddiction avant la naissance d'Internet. On ne pouvait pas être dépendant autant au crack avant qu'il arrive en France dans les années 90. Enfin, voilà. Bon. Donc, il y a une évolution des conduites addictives et du paysage des addictions en fonction du moment socioculturel, effectivement, et de la manière dont on va y répondre. Alors, il y a une évidence, c'est que le cerveau est en développement jusque à l'adolescence tardive. Et donc, tout toxique qui arrive dans le cerveau jusqu'à cet âge fait encore plus de dégâts qu'après. Bruno Falissard. Et naturellement, plus c'est tôt, plus c'est dramatique. À l'extrême, c'est le syndrome d'alcoolisme fœtal. C'est une maman qui prend des toxiques et ça passe à la barrière placentaire, et donc l'enfant devient exposé aux substances alors qu'il est un fœtus. Et là, c'est absolument, l'issue est absolument dramatique. Donc par exemple, vous avez à traiter parfois des enfants qui vont être accros à certaines substances en naissant, en fait. À la naissance, ils sont déjà accros à certaines substances parce que la mère en consommait quand elle était enceinte. Absolument, c'est quelque chose de connu. Et ce que l'on a même maintenant, c'est des enfants intoxiqués au cannabis ou à la cocaïne parce qu'ils en ont pris sur la table de chevet de leurs parents. Alors comment vous procédez dans ces cas-là ? Alors d'abord, il y a l'urgence vitale où c'est des toxiques, donc il y a le pronostic vital à préserver. Et puis après, on soigne une famille. Hein, c'est des adultes consomment, bon, ben, c'est leur problème. S'ils sont en demande de soins, on est là à leur écoute. S'ils ne sont pas en demande de soins, ben, c'est leur vie. Mais s'ils exposent leur enfant, c'est autre chose. Et donc, on discute ensemble de cette prise de risque, comment ça a pu se passer, comment ils la considèrent et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça ne se reproduise pas. Ce qu'a mis en évidence la neurophysiologie, c'est un circuit particulier qu'on appelle circuit de la récompense ou circuit dopaminergique. Alors, Philippe Faure. C'est pas un circuit qui signale le plaisir, c'est un circuit qu'on utilise normalement, nous, pour faire des associations dans l'environnement, pour faire des associations entre, un stimuli extérieur et une récompense. Donc c'est ça qui nous permet finalement de construire nos relations avec l'environnement et nos croyances. Et ce système-là, en fait, il est détourné par les drogues. Donc normalement, pour coordonner nos comportements, on associe, pour prendre des décisions, on associe à nos actions ou aux choses des valeurs, ce qu'on appelle une valeur subjective. Ce que va faire la drogue, c'est qu'en fait, elle va construire une valeur subjective totalement hors du propos sensoriel, c'est-à-dire sans matérialité, directement en agissant sur le système dopaminergique. Et on va construire quelque chose comme ça qui n'existe pas et qui est virtuel en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle le détournement. Et à partir de là, on va donc accepter de retravailler pour obtenir de la drogue, même si les effets qui sont obtenus par la drogue ne sont pas positifs ou plaisants en soi. Donc c'est ça le premier pas, et c'est le mécanisme de renforcement. Donc toutes les drogues vont activer ce système-là et toutes les drogues vont détourner ce système-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce système-là, il existe, il est là naturellement. Il est là pour gérer notre quotidien, nos comportements au quotidien. Et les drogues, en fait, elles vont détourner ce système. On a moins cette compréhension des mécanismes qui peuvent se faire dans un cadre comportemental normal, l'addiction au jeu, par exemple. Il faudrait considérer qu'on a une suractivation de ce système dopaminergique dans le cas du jeu, mais ça, c'est pas très clair pour l'instant. Alors que c'est très clair que toutes les drogues, quand on les met, elles vont activer très fortement le système dopaminergique et ce système de la récompense. Quand vous dites drogue, Philippe Faure, vous incluez la nicotine, par exemple. Ah ben, j'inclus, oui. Et la nicotine est une des premières drogues consommées en France, avec l'alcool. Et c'est celle qui va entraîner quasiment le plus de morts, puisqu'on a à peu près 60 000 morts par an du fait de la consommation de nicotine en France, ce qui est au-delà d'à peu près toutes les autres consommations de produits. La première phase qu'on distingue, c'est ce qu'on va appeler le renforcement, c'est-à-dire la consommation du produit, et puis la mise en place de ces mécanismes de mémoire et de modification des comportements qui font qu'on va répéter petit à petit le comportement de consommation. À partir d'un certain moment, vont apparaître des effets de manque, c'est-à-dire que quand on n'a pas notre niveau de nicotine, on va avoir des sentiments d'irritabilité, problèmes de concentration, etc. Et donc on va reconsommer pour pouvoir être à nouveau bien, en quelque sorte. Et donc on est dans une boucle. Thomas Gahon, oui, est-ce qu'il n'y a pas au niveau neuronal une modification vraiment du cerveau de manière irréversible qui fait que la personne est complètement prisonnière de son addiction ? Alors des modifications neuronales, et il y en a, ça c'est évident. Irréversible, c'est plus discutable. On n'a pas encore d'études qui montrent effectivement le fait que, puisqu'on sait qu'on a une plasticité neuronale dans un sens comme dans l'autre. Donc si c'est irréversible, ça y est, c'est fini, on fait plus rien, il n'y a plus d'espoir. Or on voit des gens qui arrêtent même après 30 ans de consommation, 40 ans de consommation. Donc il n'y a pas encore de preuve d'irréversibilité. Bien qu'il puisse y avoir des dommages liés à la consommation de certains produits. Et encore une fois, cette question de la plasticité neuronale, elle peut être employée dans un sens comme dans l'autre. Un des risques dans les théories actuelles, dans les conceptions actuelles, c'est que la dernière en date, c'est la conception neurobiologique. C'est-à-dire que, finalement, c'est la neurobiologie qui va expliquer l'addiction. Avec cette idée qu'à partir du moment où c'est comme s'il y avait un marqueur physique, une trace dans le cerveau, alors on finissait de discuter, tout était fini, il n'y avait plus qu'à soit faire de la microchirurgie, soit donner un médicament, et puis ça y est, tout résoudrait. Or pas du tout, les études neurobiologiques sont encore très loin d'avoir expliqué l'addiction, très loin de comprendre quelle partie était touchée, et surtout, qu'est-ce qu'on pouvait faire dessus. Dans un sens ou dans l'autre, encore une fois. Donc, qu'il y ait, par exemple, pour les joueurs de jeux vidéo, pour les joueurs d'argent, c'est-à-dire les addictions sans substance, déjà des traces neurobiologiques, c'est évident, mais en fait, on en a dans la vie au quotidien, c'est-à-dire qu'une dépression se voit, un état amoureux se voit neurobiologiquement aussi, dans une délivrance plus de certaines neurohormones et ce genre de choses. C'est la question de la répétition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est le plus intéressant dans l'addiction, c'est comment une habitude de vie va prendre de la place dans la vie du sujet, et comment elle va devenir centrale, au point que la personne, l'état ultime de l'addiction, c'est ne faire plus que ça, ne faire plus que consommer, comme une machinisation, une robotisation de la vie. Or, c'est ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, c'est plus d'avoir fait que ça, déjà, et de ne pas avoir fait le reste, qui modifie non seulement le cerveau, parce qu'il y a une myélinisation, parce qu'il y a une... Le cerveau va se concentrer sur cette tâche, et surtout, le cerveau, quand il ne fait pas quelque chose, il fait de la place. Et les connexions synaptiques se détruisent au bout d'un certain temps. Et de la même manière, quelqu'un perd des compétences. Je vois plus, je sors plus, je vois plus des amis, je m'appauvris. en final, il y a une forme d'appauvrissement de la vie synaptique. Dans tous les domaines, il y a un appauvrissement qui est lié au fait que cette conduite devienne hégémonique et tyrannique, quelque part. Ah bon, c'est bien. Oui. Voilà. On va monter après ? Oui, oui, oui. Voilà, l'hospitalisation commence ici. C'est notre fameuse ligne rouge, mais c'est tout le temps ouvert. Voilà. Bonjour. Mais qui dort devant la télé ? Ça va ? Je suis avec les journalistes de France Culture, de la radio. Oh là là ! Oh là là ! Bonjour. Voilà. Pardon. Qu'est-ce que vous regardez ? Columbo. Vous savez déjà qui est le meurtrier alors ? Non. Ah. Si tu dormais, c'est pour ça, non ? Vous gardez votre sang-froid et répétez-le moi. En êtes-vous certaine ? Vous avez appelé la police ? Il y a un baby-foot. Oui, il y a une table de ping-pong. Je vous montre une chambre, un peu une chambre type, là, voilà. Celle-ci, là. Donc, c'est des chambres très, très spartiates, hein. Il y a un lit, un lavabo, une petite armoire. Pas une chaise. Barreau à la fenêtre. Non, non, non. Voilà. Alors ici, le contrat, c'est que quand les gens viennent ici, sont hospitalisés, donc ils sont volontairement à leur demande, mais qu'ils n'ont pas le droit de sortir et pas le droit de recevoir de visite. Donc c'est aussi quand même un séjour de rupture. Et que recevoir des visites, pouvoir sortir, c'est trop tentant par rapport aux consommations. À un moment, on s'est demandé si on allait assouplir un petit peu ce règlement-là, notamment en termes de contacts téléphoniques, de choses comme ça. Et finalement, on garde quand même un contrat assez strict en termes de contact avec l'extérieur, dans le sens où on leur permet de téléphoner avec nous, avec les soignants, voilà, quand il faut, pour les démarches administratives, mais des fois pour donner des contacts, bon, à l'extérieur. C'est vrai que maintenant, avec les portables, on est sollicité pleinement. Et dans le domaine des drogues et des addictions, les dealers, ils utilisent les portables sans arrêt. Enfin, ils sont même relancés par des messages, ils sont même relancés par des SMS. Voilà, donc à un moment... Ils font fisquer le portable. Donc ils nous remettent les portables à l'entrée, donc on les garde comme ça, histoire que ici, ça soit un peu protégé. On va aller au-dessus, je vais vous montrer la salle de thé, le réfectoire. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va, toi ? Ça va, merci. Ouais. Donc ça, c'est le réfectoire, donc où les hospitalisés prennent leur repas, mais aussi l'équipe, non seulement l'équipe de l'hospitalisation, les infirmiers, mais aussi l'équipe de la consultation et de l'accueil. Moi, je mange tous les midis ici, donc on mange avec les patients. C'est plutôt agréable de pouvoir manger ensemble au même endroit, la même chose, enfin voilà. Quelque chose auquel on tient, voilà. De partager des moments comme ça, informels. C'est tout à fait important, je crois, dans le style d'intervention qu'on peut avoir avec eux, dans la relation qu'on peut avoir avec eux, voilà, de pouvoir être interpellé, de pas être juste dans des temps bien définis. Sur le rendez-vous, là, on peut être interpellé pendant qu'on mange sur des choses. Et c'est une manière aussi de retravailler les questions de l'intimité, des choses qu'on peut dire. C'est des choses qu'on apprend aussi à pouvoir dire « Non, attends, tu vas pas m'interpeller là devant tout le monde, c'est quelque chose qui t'appartient, c'est intime, on peut en parler ailleurs. » Mais ils peuvent nous interpeller sur le fonctionnement du centre, sur qu'est-ce qu'on fait, sur des tas d'autres choses. Et c'est très, très riche. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de blouses blanches ici. Ah oui, c'est vrai, oui. Il y a encore une petite partie de l'hospitalisation qui est la partie où il y a la salle de sport, le sauna et une pièce pour les massages et le shiatsu. C'est quelque chose qu'on a développé, les ateliers psychocorporels, parce que soigner les addictions, c'est aussi prendre soin prendre de la distance par rapport au produit, mais c'est aussi prendre soin de son corps, c'est réapprendre à prendre soin de son corps, c'est apprendre soin des relations avec les autres. C'est pas que l'histoire du produit. Alors, je vous montre la salle de sport parce qu'elle vaut le coup d'œil. Elle est dans son jus, on peut dire. Le carrelage est d'époque. Il fait très froid. Oui, il y a des appareils de musculation, des haltères. Ouais. Alors moi, je suis médecin généraliste, oui. Et puis je suis arrivé à Marmottan dans les années 80, à peu près en même temps que le virus du sida. Dominique Boubillier. Donc on a traversé toute cette période de manière très très compliquée, hein, je veux dire, dans la mesure où effectivement dans le domaine de la toxicomanie il y avait quand même très très peu de médecins. Comment on reconnaît dans une salle de médecine générale, hein, je veux dire, un usager de drogue, c'est celui qui va se mettre à votre place pratiquement, et il va falloir au fil du temps chacun trouve sa place, parce que c'est un peu personne qui risque de montrer ses boutons à l'assistante sociale, demander une place en post-cure au psychiatre, et puis interroger le médecin généraliste sur sa trajectoire psychanalytique. Enfin bon, c'est faut arriver à remettre tout ça dans le bon sens, et on y arrive ensemble. Vous savez, il y a des gens qui disent tout allait bien, j'ai repris de la drogue, et puis d'autres qui disent tout allait mal, j'ai repris de la drogue. Hein. Donc je pense que chaque histoire est vraiment individuelle. Alors ce qui est compliqué, si je me concentre au travail, c'est que moi, j'ai été recruté à Marmottan parce qu'il y avait une jeune femme qui avait failli mourir d'une grossesse extra-utérine pendant son sevrage. Parce que quand on est en sevrage, on a mal au ventre. Enfin, si on est une femme, on a le droit aussi d'avoir un retard de règles. Et bon. Donc, c'est vrai que ça demande d'être assez vigilant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tout sur le compte du produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens prennent des produits, par exemple, comme les opiacés, c'est vrai que l'appendicite sera peut-être plus diagnostiqué au stade de péritonite, l'ulcère de l'estomac au moment où il va être en train de se rompre. Enfin, donc il faut être vigilant sur ce côté-là. Et puis pas non plus, quand les gens sont en manque, mettre toute douleur sur le compte du produit ou des produits. Et puis réinvestir aussi le corporel, parce que bien souvent les gens disent le jour où j'arrête, tout se déglingue, parce qu'effectivement les produits ont un petit peu anesthésié le tout. On a tellement perdu de temps pour la mise en vente libre des seringues parce que ça n'aurait rien changé, etc. On a proposé des demi-mesures. Enfin bon, c'est pas avec la répression qu'on arrive à quelque chose. Hein. Tu sais, moi, je travaille en banlieue. Moi, j'ai vu des gamins de 14 ans se faire baisser le pantalon en pleine ville parce qu'on faisait la chasse à la boulette. Bon, on a bien fait la chasse à la boulette. Puis on a vu quoi? On a vu arriver l'alcoolisation dans les services de pédiatrie. On voit arriver hein, des ados qui consomment énormément d'alcool, dans des cités qui étaient à peu près tranquilles, avec un petit commerce peut-être sous-jacent, celui de cannabis, bah, ça a été remplacé par la cocaïne aujourd'hui. Enfin oui, c'est pas... On met des coups de pied dans la fourmilière, mais la fourmilière est sème, quoi. Hein, donc je crois que rendre l'usager citoyen, c'est quand même beaucoup plus probant. Hein, je veux dire, ça, c'est... Enfin bon, ça arrive d'autres pays, on est très très en retard en Europe quand même. Hein. Alors là, c'est l'entrée qui se fait par ici. Et on a... donc les gens arrivent ici par l'ascenseur. Et on a fait en sorte qu'il y ait le matériel de réduction des risques qui soit là à disposition sans que les personnes aient à demander. Donc il y a tout ce qu'il faut pour réduire les risques en matière d'administration par injection. Il y a les pipes à crack, là. Voilà, il y a, bah, ça c'est les aiguilles, les couleurs, les préservatifs, ça c'est tout ce qui est flyers sur réduction des risques par produit. Donc, coke, crack, on a pas mal en ce moment. Le GHB, là, cette année, on a eu pas mal une recrudescence d'utilisation de GHB. Alors ça s'est vu dans l'usage, enfin dans l'espace festif, beaucoup de gens qui utilisaient ça. Il y a même eu un décès par overdose au Petit Bain qui a été assez médiatisé en début d'année vers février-mars. Et on a commencé à voir des personnes qui venaient consulter ici parce que elles étaient plus dans un usage juste récréatif, tout ça, elles étaient dans un usage quotidien, une dépendance. Et le GHB, c'est vraiment comme les benzos et l'alcool, et eux étaient obligés d'en boire toutes les heures, toutes les deux heures pour pas être en manque, quoi. Ah oui. Et donc on a hospitalisé quelques-uns pour sortir de cette dépendance là au GHB. C'était assez préoccupant. Et c'est sous quelle forme GHB, c'est sous forme de liquide incolore. Donc avant, c'était utilisé pour abuser de certaines personnes. Genre, on mettait ça dans un verre d'alcool et puis la personne se retrouvait confuse, sédatée, et on la dépouillait, voire on abusait sexuellement d'elle. Maintenant, il y a des gens qui volontairement prennent du GHB. Parce qu'il y a aussi un effet euphorisant. Tout le problème du GHB, c'est que l'espace entre la dose qui fait de l'effet au niveau récréatif et la dose mortelle est très faible. Voilà. Donc c'est ça le souci, c'est difficilement dosable. Un des aspects de l'addiction, c'est la perte de contrôle. Et la perte de contrôle existe d'autant plus qu'on essaie justement de la maîtriser. Plus on essaie d'avoir le contrôle et de maîtriser, plus on peut avoir l'impression de le perdre. Donc c'est quelque chose qui fonctionne ensemble, c'est vraiment un couple, la perte de contrôle et la tentative de contrôle. Donc on peut avoir à passer par des étapes d'acceptation qu'on n'arrivera pas à contrôler et accepter de se laisser faire. Il y a des flyers sur le spot pour le public homosexuel, où ils peuvent parler plus librement de leurs pratiques, notamment ce qu'on appelle le chemsex, donc ces pratiques sexuelles sous influence de produits chemicals, sexe, et quelque chose qui, dans la communauté homosexuelle parisienne depuis quelques années, est un véritable problème, c'est l'usage de certaines drogues, notamment les catinones, dans des pratiques sexuelles à plusieurs. Et donc ça est venu pas mal questionner, bouleverser le paysage des addictions ces derniers temps, parce que ça a été à la rencontre, le chemsex, de plein de choses. Les pratiques sexuelles, l'addiction au sexe, les nouvelles technologies, parce que les rencontres se font par application internet, des gens qui sont des fois plus accros aux sites de rencontres qu'au reste, utilisation de produits, souvent par injection. Donc ils ont réussi à combiner tous les éléments de l'addiction moderne là, dans une pratique excessive. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer encore ? Là, on met des petites messages de prévention. Allez-y, ouais. On met des messages de prévention. Alors, des fois, on a des choses comme « Attention, il y a des alertes sanitaires en ce moment parce qu'il y a une drogue, genre de cocaïne fortement dosée qui a été repérée souvent en Seine-Saint-Denis ou ailleurs. » Enfin, voilà, donc on met des messages comme ça d'alerte. Et c'est quoi ça, très faible protection contre les particules, risque de main de Popeye ? Ah, les mains de Popeye, alors c'est ce qui est décrit chez les injecteurs. Quand ils commencent à abîmer tout leur réseau veineux, ils ont des mains complètement gonflées, comme Popeye. Et qui fait qu'on voit leur aspect souvent, ils ont des grosses mains pleines d'œdèmes, le retour veineux ne se fait pas et donc c'est gonflé. Et certains mésusages, ou en tout cas non savoir de comment utiliser les aiguilles, faire les injections, préparer le produit, et puis avec certains produits plus que d'autres, ça peut favoriser ces problèmes. Voilà. Pour un fumeur de cannabis auquel je pense, Thomas Gaon, qui a commencé extrêmement tôt, il a commencé vers 13 ans, le jeune choisit la rue comme lieu d'attache. La rue et les fréquentations. Ce qu'on a assez bien montré, c'est que la consommation de produits, elle est culturelle aussi. Elle est intégrée dans des phénomènes socioculturels. Et la bande, et notamment la bande qui galère, une des activités principales, ou activités par défaut, c'est de fumer du shit et de discuter, et de plaisanter, de faire des délires, etc. Bon, ben voilà. À partir du moment où il n'y a plus l'école, à partir du moment où il n'y a plus la famille, ben il reste ça. Et donc lui, il va s'enferrer là-dedans. Il va y rester, il va être bien, jusqu'à un moment où la consommation de produits, elle va commencer à l'isoler. Il commence à avoir des problèmes de mémoire, il commence à avoir des tendances un peu parano, il commence à avoir surtout des problèmes avec la justice. Il est arrêté, il fait plusieurs mois de prison, parce qu'il trafiquait pour payer sa consommation, c'est un des éléments importants, c'est-à-dire de commettre des délits pour payer sa dépendance. Pendant la prison, ce qu'il a vu aussi, c'est que ses copains, finalement, ils n'étaient pas tant ses copains que ça. Finalement, il se retrouvait comme ça, un peu seul, un peu sans insertion, sans perspective, sans rien. Et c'est ce moment-là où on peut venir en lui disant, on a peut-être d'autres solutions. On a peut-être des solutions pour vous, et que le shit ne va pas pouvoir vous apporter, quoi. Parce que pour eux, ils le disent, ça empêche de réfléchir, ça empêche de s'angoisser, ça empêche de s'énerver aussi. Donc ça a des fonctions. Et tant qu'on ne reconnaît pas le fait que ça a des bénéfices pour eux, on aura un problème. Nous, on essaie de trouver juste une meilleure solution. Ça a des bénéfices, mais ça a un coût aussi. Pour une situation de jeu vidéo, c'est un adolescent qui a 16 ans, qui, du fait de stigmates physiques, du fait d'une timidité importante, du fait de difficultés scolaires, pour plein de raisons, vestimentaires aussi, il est en décalage au collège, avec harcèlement, avec isolement, avec un décalage, un vrai décalage, qui empêche la sociabilité, d'intégrer lui à l'inverse de l'autre, ne serait-ce que d'intégrer un groupe. Le seul groupe qu'il a, finalement, il est sur Internet. Il est dans les jeux, dans son équipe, avec des personnes avec qui il joue, avec qui il parle, qui ont le même délire, il parle que de jeux, ou de ce qui tourne autour du jeu, et rien d'autre. Et alors là, ça se passe à domicile, mais c'est sur les horaires, c'est sur ce genre de choses. Là où l'autre passait du temps dehors, vers 1h, minuit, 1h, 2h du matin, dans la rue, avec ses copains, lui, il passe 1h, 2h du matin, le même temps, mais sur Internet, au lieu de dormir. Donc vous voyez, c'est-à-dire que les joueurs de jeux vidéo, ils font le mur sans faire le mur, quoi. Ils rentrent tard sans rentrer tard, quoi. Enfin, mais il y a la même idée d'être libre et d'être avec les copains. Alors là aussi, rentrer en conflit avec les parents, au niveau scolaire, ça dégringole. Alors, une forme d'isolement, mais en même temps, avec d'autres, qui sont les potes sur Internet. C'est pour ça que moi, quand je travaille, alors c'est un peu ma formation de l'ethno aussi, je m'intéresse beaucoup à ces, justement, les liens, en fait, c'est des pathologies. Et ça, c'est une chose importante dans la théorie de l'addiction, c'est que la théorie de l'addiction, c'est que, avant tout, c'est des pathologies du lien. Et que le vrai remède à l'addiction, c'est le lien social. Ce qu'on va proposer à ce jeune-là, au moment où il arrive, et quand on lui renvoie tout ce qui se passe, il reconnaît finalement que, oui, il joue, et qu'il n'y a que là où il est bien, que dans tout le reste, ça ne va pas. On va insister sur ce qui est évité, et on va dire, bon, bah là, on va essayer d'apporter des solutions concrètes, thérapie familiale, travail sur l'estime de soi, travail sur le corps, réinstauration de liens sociaux en chair et en os. On va essayer de trouver des solutions afin que la fuite dans le jeu, là, ici, ne soit pas l'unique solution. Ce que les psychanalystes, les théories psychanalytiques ont bien montré, c'est-à-dire que, en fait, c'est parce que la relation à l'autre est compliquée, les autres sont soit souvent trop proches, soit trop loin, et ce qu'on voit, c'est que dans l'enfance, il y a des fois un manque de fiabilité de l'autre, qui fait qu'on va échanger l'autre contre un produit ou une conduite qu'on maîtrise, qu'on pense maîtriser au départ. C'est-à-dire que on a tellement souffert du fait que les gens soient trop présents, trop intrusifs, trop tout le temps là, soit qu'ils nous abandonnent à la moindre difficulté, qu'on va se dire, bon, bah, la bouteille, au moins, elle ne m'abandonnera pas. Elle est là, elle reste là, c'est moi, c'est ma femme, c'est ma compagne, c'est ma copine, c'est mon mec, pour celles qui boivent. C'est-à-dire qu'en fait, l'addiction, c'est aussi une technique. Il parle d'échafaudage de secours, c'est-à-dire l'idée que, bah, au moins, avec ça, je suis complètement indépendant. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de personne quand je suis dans l'état, quand j'ai bu, quand j'ai consommé. Ce que disent aussi les joueurs de jeux vidéo. J'ai besoin de rien, je vous demande rien, laissez-moi tranquille. Et j'ai besoin de rien. Donc c'est ce point commun-là dans la pathologie du lien, c'est-à-dire que c'est finalement un sérum contre les vicissitudes du lien. En gros, on devient dépendant d'un produit qui nous donne l'illusion d'être indépendant. Oui. Et c'est-à-dire ne pas souffrir du manque, ou du trop, ou de la difficulté du lien. Oui, c'est l'idée en tout cas de l'addiction. En tout cas, c'est une des idées, comment on peut le concevoir. D'où sa recrudescence dans notre époque. Dans les vapeurs toxiques, la vie part en fumée. Dans les vapeurs toxiques, envie de tout brûler. Dans les vapeurs toxiques, on a les limites qu'on se fixe. fixe, suis scotché, accroché, faut que je me réveille avant de m'asphyxier. Dans les vapeurs toxiques, ça pue la mort comme l'or du Vatican. Vapeur toxique, guerre et paix, crime et châtiment. Vapeur toxique, on pousse les risques jusqu'à l'accident. Vapeur toxique. Je pense qu'on prête trop de pouvoir à la biologie. C'est qu'on a l'impression que le savoir biologique, parce qu'il est devenu extraordinairement technique et scientifique, qu'il dit des choses qui sont vraies, qui sont irrémédiables. Mais en fait, c'est aussi en partie statistique. Là aussi, ça c'est quelque chose de très intéressant, c'est que l'humain a des problèmes avec sa vie psychique. En fait, vivre... D'ailleurs, il y a un poète qui dit que l'être humain, c'est le seul animal qui a un trou à l'intérieur de lui. Il a un vide à l'intérieur de lui. Et il ne sait pas ce qu'il fait de ce vide toute sa vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec les adolescents. Beaucoup d'adolescents s'interrogent sur « Mais finalement, qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert ?» On m'a jamais dit que c'était compliqué de vivre. On m'a jamais dit que le sens de la vie, c'était un truc, on ne sait pas quoi en faire. Et le toxique, est quand même une réponse à ça. Beaucoup de prises de toxiques sont des automédications. Ça fait des milliers d'années, depuis qu'on a découvert qu'il y avait des psychotropes, que les humains prennent des psychotropes, parce qu'en fait, être un être humain dans sa vie, c'est pas si facile que ça tous les jours. Et oui, alors si je vous suis, Bruno Falissa, on pourrait dire que cette quête spirituelle, finalement, si on va jusqu'au bout de la logique, toutes les religions aussi sont des sortes de drogues. Mais alors, je renverserai même la proposition, c'est que croire en un dieu est un des facteurs protecteurs d'addiction les plus puissants. Alors, il y a des religions d'ailleurs qui marchent mieux que d'autres. L'islam marche très bien, parce que c'est un interdit officiel, mais le protestantisme marche moins que le catholicisme. Et vous savez pourquoi ? Parce que justement, le protestantisme, c'est un peu une école de la modération à la base. Alors, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, les religions protègent des addictions. Et effectivement, on peut dire aussi que les religions permettent d'une certaine façon de donner du sens à la vie, d'une certaine façon. Oui, alors c'est ça ce que j'ai entendu, c'est que les alcooliques anonymes, il y a des branches laïques et des branches religieuses, justement, pour lutter contre l'addiction. Alors, on a eu quelqu'un qui a fait une recherche là-dessus dans le laboratoire. Effectivement, dans la tradition américaine des alcooliques anonymes, il y a une présence divine. À la fin, il y a une prière, en fait. Et ça a été une des choses qui a gêné l'introduction du protocole des alcooliques anonymes en France. La France est, si on nommait les pays anciennement du bloc communiste, la France est le pays le moins religieux du monde. Et donc il y a eu un peu une tension autour de ça, et donc il y a des collègues qui ont développé des protocoles plus laïques. Amis, remplis mon verre, encore un et je vais, encore un et je vais, non, je ne pleure pas. Je chante et je suis gay, mais j'ai mal d'être moi. Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Les processus de l'addiction. Buvons à ta santé. Merci à toute l'équipe de Marmottan pour leur remarquable accueil. Mario Blaise, Youssef Medaoui, Michel Hautefeuille, Dominique Boubillet et à Hortense pour son témoignage. Avec également Thomas Gaon, psychologue clinicien, Bruno Falissard, pédopsychiatre, William Lovenstein, addictologue, et Philippe Faure, chercheur en neurosciences. Prise de son Cyprien de Limerville, Hélène Langlois, Laurent César. Mixage Guillaume Ledu. Réalisation Doria Zénine. Un documentaire de Lydia Benitzrak, fabriqué sans produits psychotropes ou si peu.